Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec le terrorisme, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a ces 3 jours de janvier 2015 où des terroristes ont assassiné 17 personnes au journal Charlie Hebdo parmi les forces de l'ordre et dans un hypermarché Kacher. Ils ont précédé les attentats de novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts, les 86 victimes de Nice, les 5 de Strasbourg et il a fallu agir à tout prix. Alors pour commencer, les personnages. Un père dévasté, un policier face au pire, une actrice de la prévention, un anthropologue attentif, un sociologue qui scrute, un directeur de l'administration pénitentiaire et des jeunes femmes condamnées. Ensuite le décor. La Syrie, Daesh, la guerre, la radicalisation et l'échec de la déradicalisation, des ruptures, la prison, les réseaux sociaux et la surveillance. Aujourd'hui, 4e épisode, on écoute attentivement. Vivre avec le terrorisme, de la déradicalisation au désengagement, par Séverine Cassard et Alain Lefkovitch. Je m'appelle Azdine Amimour, je suis le père d'un des 3 assaillants du Bataclan, Sami Amimour. Alors le 13 novembre 2015, j'étais en Belgique. Je me suis bien préparé pour regarder le match France-Allemagne. Puis après, bon, je me suis rendormi. C'est le matin où j'ai commencé à apprendre ce triste événement, ce carnage-là. Vous saviez où était votre fils ? Oui, à l'époque, je savais qu'il était en Syrie. Alors comment vous avez su que votre fils était un des assaillants du Bataclan ? Moi, d'habitude, tous les dimanches, je prends ma voiture et je rentre sur Paris. Donc je suis rentré. Lundi matin, il y a eu les perquisitions. Menottés. Il y avait ma femme, ma fille. On était à la DGSI. Puis ils ont commencé les interrogatoires. J'ai répondu à toutes les questions. Et puis j'étais persuadé que j'avais rien à me reprocher, que lui, il était là-bas. Jusqu'au moment où j'étais reçu par un magistrat. Pendant la garde à vue. Et c'est le magistrat qui m'avait appris ça. Que mon fils, il faisait partie des assaillants du Bataclan. Donc il m'a lancé ça d'une façon brutale. Et c'est comme ça que je l'ai appris. J'étais entre la tristesse, parce que j'ai perdu mon fils. La colère, parce que bon, on l'a laissé partir, mais on l'a laissé revenir. Et il y a eu trop de zones d'ombre. Il était fiché partout. Il est revenu en traversant je ne sais pas combien de frontières. Et l'ingratitude. Parce que je me suis dit, mais pourquoi il nous fait ça? Il avait tout, il manquait de rien. Donc voilà, j'étais partagé entre tout ça. Après des semaines passées à recueillir la parole des rescapés, tous encore traumatisés par les attentats de 2015 et de ceux qui ont suivi, j'appréhendais ce rendez-vous avec Azdine Amimour, que je retrouvais dans un café de Belleville. Je repensais à ce poseur de questions d'une matinale radiophonique en novembre 2017, dans laquelle il avait trouvé obscène les propos de son invité, Maître Dupond-Moretti, qui reconnaissait à la mère de son client, Abdelkader Merah, le droit d'avoir de la peine, même si elle avait mis au monde un enfant devenu le dernier des derniers. J'avais alors été outré par les propos de l'animateur. À mon tour, je m'apprêtais à rencontrer un petit homme frêle, dévasté par la douleur, le père de l'un de ces derniers des derniers que Daesh avait transformé en monstre. Et comme Dupond-Moretti l'avait dit à son interrogateur, qui se faisait le porte-parole des victimes de Merah, ce qui était obscène, c'était de dénier à cet homme le fait qu'il soit un père. Ainsi, j'anesthésiais toute possibilité de déshumaniser Azdine Amimour à cause des crimes de son dernier des derniers de fils. La conversation commence par des banalités sur les transports et sur le quartier, puis on entre dans le vif du sujet. Sami, son fils, incarne à lui seul ces milliers de jeunes Français qu'en 2014-2015, nous découvrions avec stupeur. Ces musulmans ou fraîchement convertis, originaires des quartiers les plus défavorisés de l'Hexagone, ou issus de la classe moyenne bien établie, qui, pour diverses raisons, s'étaient engagés dans le djihad. On n'avait rien vu venir, tandis qu'un nouveau bréviaire s'imposait à nous, avec les fichiers S, la radicalisation et la déradicalisation. Musulmans, frères musulmans, salafistes, islamistes, tous devenaient un même et unique spectre, celui du terroriste. Chaque barbe, chaque voile devenait suspect. Avec les Corses, les Basques et l'extrême gauche, l'administration pénitentiaire avait su faire. Le terrorisme islamiste, c'était nouveau. Et pourtant, l'histoire aurait pu nous donner des leçons. Moi, pour vous dire, j'avais tous les ingrédients pour devenir un grand terroriste. J'ai connu la prison à l'âge de 13 ans, parce que sous l'occupation française, je militais, je distribuais des tracts et tout ça en Algérie. Je viens d'une famille nombreuse, pauvre. J'ai connu l'humiliation, j'ai connu le racisme. Mais malgré ça, je ne suis pas devenu... J'étais anti-français, j'étais anti-juif, j'étais anti... Après, avec les voyages, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont fait changer d'avis, qui m'ont orienté vers des chemins un petit peu plus clairs, quoi. Donc, lui, je comprenais pas, c'était quelqu'un de très gentil, de très intelligent. Il a eu ses diplômes du premier coup, il ne manquait de rien. Lorsqu'il a eu le brevet, je l'ai ramené en Angleterre. Lorsqu'il a eu son bac, je l'ai ramené à Dubaï. Et après, il a commencé une licence en droit. Il est resté une année et puis voilà, ça a commencé. Il a commencé à faire la prière. Il a arrêté ses études. Il voulait apprendre l'arabe. Il voulait connaître davantage sur la religion, sur l'islam et tout ça. Il allait à la mosquée. Il y a des fois où je suis allé avec lui pour essayer de bien le cadrer et tout ça. Et puis bon, j'aurais jamais pensé que ça pourrait nous arriver, quoi. Il avait des copains de lycée qui étaient des gens bien. D'ailleurs, ils sont partis à trois en Syrie. Un des trois était ingénieur. Et le troisième, pareil, d'une bonne famille. C'est un voisin. On connaît très très bien sa famille. Et puis après, bon, je ne sais pas ce qui se passe quand il est à la mosquée, parce que je ne suis pas tout le temps avec lui. Et puis un coup, ça arrive, voilà, je pars en vacances pour quelques jours, et puis ces vacances, ben, c'était la Syrie. Voilà. Vous ne saviez pas où il partait ? Ah non, non, non, nous, il nous a dit qu'il partait en vacances dans le sud de la France. Puis quelques jours après, donc moi j'étais en Belgique, c'est sa mère qui m'avait appelé, elle m'a dit, bon, voilà, on a reçu un message de Samy, il dit qu'il est très très bien, il est en Syrie, il ne faut pas le chercher. Comment j'ai réagi ? Moi j'avais mon boulot là en Belgique, donc j'ai essayé de me préparer pour essayer d'aller le chercher. Parce que moi je connais ces pays-là, moi j'étais étudiant dans les années 60 et quelques, je connais l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, le Liban, et je parle leur dialecte. Parce qu'au départ, ils sont partis pour aider dans un truc humanitaire. Parce que moi, il y a des moments, quand ils regardaient sur Internet des vidéos, ils me disent « Mais papa, regarde, des femmes déchiquetées, des enfants et tout ça. » Et ils me disent « Papa, moi, il m'arrive de pleurer quand je vois ça. » Je dis « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ?» Mais moi, j'ai vécu ça aussi avec la guerre d'Algérie. J'étais au canal de Suez pendant l'agression de 67. Donc, bon, je me suis dit, bon, peut-être ça va le forger, il va essayer de voir, et puis s'il voit qu'il y a de la violence et tout ça, il va rebrousser chemin. Ça, c'était quand il est parti, c'était en 2013. Vous arrivez en Syrie, vous le retrouvez ? Oui, donc je voulais lui faire la surprise. Moi, je suis parti d'abord en Turquie. Je savais qu'il était parti avec ses deux copains, là, et en voiture. Puis ils sont rentrés en Syrie par une ville qui s'appelle Hatay. Donc j'ai pris un avion, je suis allé Istanbul, Hatay. Et puis Hatay, je suis allé à la frontière et c'était impossible de passer. Il fallait être syrien, avoir un passeport syrien. Donc là, je l'ai appelé, j'avais un numéro de téléphone. Et j'ai dit, voilà Samy, je suis en Turquie. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais en Turquie ? J'espère que tu n'as pas une arrière-pensée, c'est-à-dire pensant qu'il est venu me chercher donc vis-à-vis de ses copains. J'ai dit non, je suis venu tout simplement pour te voir et puis rassurer ta mère et tes sœurs et tout ça. Quand je l'ai rencontré, il avait des béquilles parce qu'il s'était blessé lors d'une bataille. J'ai passé 4 jours avec lui. Le deuxième jour, c'était le ramadan. Le troisième jour, c'était la proclamation du califat. Donc c'était vraiment très très très chargé. Je n'ai pas pu communiquer avec lui parce qu'il y avait toujours une tierce personne avec nous. Je me suis dit, bon, c'est râpé, il n'y a pas moyen de discuter avec lui, il n'y a pas moyen de... Donc je vais d'abord rentrer parce qu'il ne me restait plus d'argent. J'ai pris quelques billets en liquide avec moi, la carte bleue ça ne marchait pas, pour repartir disons 2 semaines ou 3 semaines après. Et puis voilà que ça éclate, et puis c'était les bombardements, c'était... Donc voilà, j'ai pas pu y aller. Et à partir de là, entre le moment où il est djihadiste chez Daesh et le 13 novembre, vous avez des nouvelles ? On a eu des contacts avec sa femme jusqu'à presque 6 mois avant l'événement. Il s'est marié là-bas ? Oui, il s'est marié là-bas, mais je connaissais sa femme parce que je l'ai rencontrée ici. C'était une femme qui était couverte avec sa burqa, de bonne famille, elle travaillait bien au lycée. Bon, j'ai essayé de parler avec elle, religion et tout ça, j'ai vu qu'elle comprenait rien. Je ne sais pas, à l'époque, j'ai compris que c'est une mode. Bon, voilà, elle devient pratiquante, elle met la burqa, le voile là, et puis c'est tout. Après l'événement, juste, elle nous a appelé une dernière fois pour nous apprendre une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'elle était enceinte, ça on le savait déjà, et puis que la fille est née, je crois, 10 jours après cet événement-là. Après, plus rien. Bonjour, Amine Boutagan, je suis contrôleur général de police et chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Alors revenons un peu en arrière, 5 ans en arrière, les attentats de janvier 2015. On prend conscience de quoi à ce moment-là ? D'abord, on prend conscience que ce qu'on a regardé dans des dépêches, dans des notes, à la télé, à savoir la montée en puissance d'Al-Qaïda, l'émergence de Daesh depuis moins d'un an, se matérialise de la façon la pire, c'est-à-dire avec les deux organisations impliquées dans les 2 journées, à savoir Al-Qaïda sur Charlie Hebdo et Daesh le lendemain avec Koulibaly, Montrouge, l'hypercacheur, etc. Donc ça, oui, c'est une grosse découverte, d'autant que ça met en évidence le fait que l'affaire Merah n'était pas une affaire de loup isolé, et de toute façon son relationnel en lien avec Daesh l'a ensuite prouvé, et que la petite affaire que beaucoup de gens ont oubliée pendant la semaine de Noël 2014 a joué les tours avec l'attaque d'un commissariat par un individu d'origine rwandaise se revendiquant également du terrorisme n'était pas non plus un acte isolé, et tout éclate en fait à la figure avec des conséquences énormes sur le plan humain, sociétal et opérationnel. C'est-à-dire que avant, on n'avait pas pris conscience de l'ampleur du fait religieux émergent. Si, bien sûr que oui. Personnellement, je travaille sur le sujet depuis plus de 20 ans. Tout le phénomène de radicalisation était très bien travaillé, notamment par les renseignements généraux, qui ont été supprimés dans des conditions sur lesquelles je ne souhaite pas revenir, ce qui est déjà un commentaire en soi. Mais la question de la radicalisation était très largement prise en compte. Moi, je suis rentré dans la police en 1979 et très rapidement, j'ai été amené à travailler sur les quartiers, sur les violences urbaines, ce qu'on appelait également les dérives urbaines. Et il est arrivé un moment où on a senti, un moment que j'évaluerais entre la fin des années 90 et le début des années 2000, où les dérives urbaines ont commencé non pas à se mêler, mais à cohabiter avec un fait religieux plutôt radical. Et il est arrivé un moment où on a laissé le champ libre dans les quartiers aux salafistes qui sont allés dans les quartiers dire oui, c'est nous qui connaissons le mieux l'islam, c'est nous qui allons vous apprendre à être de bons musulmans, et qui ont été acceptés parce que ce n'étaient pas des institutionnels et qui n'étaient pas complices de l'État français colonialiste et tout ce qu'on entendait comme reproche dans les quartiers. Comment se fait-il qu'on ait pu laisser faire une chose pareille ? Bah, il ne vous a pas échappé, vous le savez, que nous sommes, et c'est très heureux, dans un pays démocratique, et la démocratie correspond à une nécessité de liberté. On pourrait dire on a eu un État qui n'a pas été assez ferme, etc. C'est ce qu'on entend parfois de la part de certains politiques. Et moi, je ne suis pas un politique. Donc j'essaierai juste de poursuivre l'analyse que j'ai développée dès cette époque, à savoir qu'au-delà d'une réponse qui n'a pas été adaptée, cette réponse, de mon point de vue, n'a pas été adaptée, notamment en raison d'une forme de... non pas de tétanie, mais de difficulté à appréhender un fait religieux avec lequel beaucoup de gens finalement ne sont pas à l'aise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les années, on a eu la nécessité d'un contre-discours. Heureusement, on a quelques chercheurs, on a quelques imams, on a quelques policiers qui connaissent très bien l'islam. Et c'est vrai que dès lors qu'on discute avec les gens les plus radicalisés, et notamment ceux qui, suffisamment fragiles, ont obéi au discours salafiste, on sent qu'on déstabilise quand même les plus... en tout cas ceux qui ont une volonté réellement religieuse. En revanche, ceux qui se servent de la religion et de son côté le plus radical comme un vecteur de révolte, on peut leur expliquer ce qu'on veut en termes de religion, c'est pas la religion qui les intéresse le plus. Il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est le côté chariatique de la religion qui va leur permettre d'être les soldats de l'islam. Et c'est pour ça qu'on a eu d'ailleurs beaucoup de délinquants au départ, comme les frères Kouachi ou Koulibaly et beaucoup d'autres, parce que dans les discours des prêcheurs les plus radicaux dans les quartiers, c'était « écoute, tu n'es pas un délinquant, tu es un soldat. Quand tu fais du trafic de drogue, tu ne fais qu'empoisonner des mécréants », et ainsi de suite. Et tout ce process mental a été notable dans les années 2000 à 2010, avec en plus, bien sûr, le sujet de l'Irak et de l'invasion de l'Irak qui a considérablement alourdi, avec les relents de militants pro-palestiniens, il y a eu un terreau très important. Je suis Anne-Marie Fauvet, présidente du Comité national des acteurs de la prévention spécialisée. Qu'est-ce qu'on a fait face à ça ? Alors, il y a eu des actions, évidemment, de prévention, de travail entre les éducateurs et les jeunes sur ces questions. Mais il y a eu des limites aussi sur ces interventions. C'est-à-dire que moi, il me semble maintenant un peu avec le recul, le fait religieux, à ce moment-là, avec les professionnels, c'était compliqué parce que on se disait, est-ce que nous, en tant que professionnels de terrain, est-ce qu'on doit intervenir sur ce champ ? La question de la religion, c'était aussi la question de la laïcité, c'était l'affaire personnelle. Et il me semble que parfois, mais pas toujours, mais parfois, les professionnels n'ont pas vu que derrière l'aspect religieux, il y avait une dimension politique. Et du coup, pour nous, on restait sur une dimension religieuse où chacun a le droit de pratiquer la religion qui lui plaît, et on n'avait pas à intervenir là-dessus. Et puis aussi, je crois que dans les évolutions, on s'y habituait aussi à cette progression du fait religieux sur les quartiers. Lorsque on s'aperçoit que ça commence à prendre de l'ampleur, Amine Boutagan, ça correspond à Mera. Et Mera, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, loup solitaire, pas loup solitaire. Cela dit, l'affaire Mera a été quand même un déclencheur, puisque très vite, la décision a été prise de réorganiser les services de renseignement pour travailler sur le renseignement de proximité. Parce qu'en fait, ce que l'affaire Mera a révélé, c'est que le renseignement de proximité avait souffert, mais ça, on était quelques-uns, et à l'époque j'étais au syndicat des commissaires, on était quelques-uns à l'avoir dit avant que la suppression des RG allait avoir ce premier résultat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nos autorités ont quand même réagi, ont fait considérablement évoluer. Moi, j'ai eu l'honneur d'être intégré à l'équipe qui a créé le renseignement territorial sur la base du RT. Le SDIG avait un peu plus de 1000 effectifs en 2008. Le RT, je crois qu'ils sont autour de 3200, 3300 actuellement. La direction centrale du renseignement intérieur est devenue une direction générale et qui est désormais le chef de file de la lutte antiterroriste, la DGSI. Le temps, effectivement, de la genèse de ces deux services qui travaillent très bien ensemble, c'est presque un an. Et c'est la raison pour laquelle ils sont officiellement créés début 2014, qui est en fait vraiment le début de la réponse française avec la création notamment du numéro vert, Bernard Cazeneuve qui s'est énormément impliqué. Et dans les signalements qu'on reçoit ici au numéro vert, il y a des dizaines de critères qui font que lorsque 2 ou 3% de ces critères sont réunis, nous on considère que c'est pas grave, sauf s'il y a des éléments objectifs et factuels qui permettent de le dire. Mais si dans un temps très court, il y a une réunion de la moitié ou de plus de la moitié des critères, oui, là, sonnette d'alarme absolue, quoi. Alors qu'est-ce qui fait que on est fiché? Parce qu'on a dépassé cette limite des 50% de critères? Ça va plus loin, c'est-à-dire que ça permet en tout cas de considérer la personne comme intéressante à suivre. À partir du moment où elle est intéressante à suivre, il y a des investigations. Je vais pas rentrer dans le détail puisque il n'y a rien de pire que de donner la recette. Mais au moins l'un des avantages, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis 2011-2012, c'est que on a aujourd'hui une judiciarisation beaucoup plus aisée des renseignements émanant des services de renseignement. Il y a une loi renseignement en 2015 qui, très curieusement, a été prise le 13 novembre 2014 et qui commence à criminaliser le fait d'être parti sur zone. Cette criminalisation qui sera étendue à partir de 2016 aux femmes, puisque dans un premier temps, seuls les hommes étaient visés. Je dirais que tout l'appareil juridico-législatif, les circulaires, tout se met en place jusqu'au plan national de prévention de la radicalisation et le plan d'action contre le terrorisme de 2018, ce qui démontre que le lien entre la radicalisation violente et le terrorisme est sinon avéré, du moins prouvé à plusieurs reprises, et que les gens qui pensaient que la radicalisation devait être traitée d'un côté et le terrorisme de l'autre se tromper ou pour le moins avait une vision incomplète de la chose. Déradicalisation, ça voudrait dire que on peut, par une intervention extérieure, permettre à la personne de revenir totalement en arrière. Sauf que ce qui a été vécu, il restera toujours. Donc, si la personne est dite radicalisée, violente, si elle est passée à l'acte, cet acte, il sera toujours là. Donc, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, la déradicalisation, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Alors que prévenir la radicalisation, parce que on voit certaines formes de vulnérabilité, des processus de rupture, la famille, les amis, le sport, l'école, ça on peut intervenir encore là-dessus et permettre à ces jeunes, voire moins jeunes, parce qu'il y a aussi des adultes, de comprendre dans quel processus ils sont tombés et de leur proposer un autre chemin. Et on leur fait une proposition, c'est-à-dire venez avec nous, nous on vous aime et vous allez être dans le bon chemin, alors que ce soit la radicalisation religieuse ou autre, parce que ça peut être d'autres formes. On a des extrémismes d'extrême droite, d'extrême gauche, les suprémacistes, voilà. On essaye de vraiment englober les choses et pas se définir sur la radicalisation religieuse et notamment djihadiste, même si en France aujourd'hui, si on reprend un petit peu les chiffres, il y a une proportion d'extrémisme de gauche qui serait d'un quart, une autre d'extrême droite, d'extrémisme violent, hein, je parle, hein, qui serait aussi d'un gros quart, voire un tiers, et le reste d'extrémisme djihadiste. Cette question religieuse, on s'aperçoit rapidement que c'est plutôt une quête identitaire. Et ensuite, il faut travailler justement sur cette quête identitaire, parce que les jeunes, effectivement, les adolescents, sont en recherche d'identité. Donc, en travaillant sur leur zone de vulnérabilité, on peut travailler avec le jeune, et c'est notre mission même, en prévention spécialisée, favoriser la rencontre aussi avec ses parents, comprendre d'où il vient, où il va, comprendre ses origines, l'aider à comprendre et lui donner des clés, l'outiller pour qu'il prenne aussi confiance en lui, parce que le problème aussi, souvent, c'est d'avoir affaire à des jeunes qui n'ont absolument pas confiance en eux et qui sont dans des logiques d'échec. Bien souvent, on nous demande d'établir des profils, d'établir qui c'est qui pourrait. Chaque personne, en fait, va réagir différemment selon l'événement. Alors, ça peut être un événement traumatisant, la perte d'un parent, certains vont réagir par la dépression, d'autres en commettant des passages à l'acte. Tout le monde va être différent. C'est pour ça que établir des profils aujourd'hui de ces jeunes, c'est extrêmement difficile, parce qu'on ne peut pas dire qu'un tel va passer à l'acte. On n'en sait rien. Et donc, nous, tout l'accompagnement qu'on peut faire, il est totalement individualisé, malgré les ressemblances peut-être familiales, les mêmes concours de circonstances, les accompagnements seront complètement différents. On ne dit pas que les solutions qu'on propose, c'est la solution ultime, loin de là. Ce que je dirais, c'est que les gens qui sont confrontés à ces problématiques-là, il ne faut pas qu'ils restent tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, il y a des systèmes de référents qui sont mis dans tous les départements de France, que ce soit au niveau des conseils départementaux, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des CAF, des mairies, enfin, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'on peut ne pas vouloir faire parce qu'il y a le numéro vert. Ce numéro vert dit signalement. Beaucoup de gens pensent que signalement rime avec délation. Nous, ce qu'on dit sur la prévention spécialisée, c'est que si vous êtes confronté à des choses qui vous dérangent, venez en parler à ces référents et vous n'êtes pas obligé de signaler. Parce que quand on entend Monsieur Castaner, il dit il va falloir faire que des signalements. Sur quoi derrière on va se retrouver? C'est-à-dire que la moindre personne qui aura pas serré la main, on va la signaler? Non. Par contre, cette personne-là peut être mise en difficulté et peut parler. Et il y a des référents, il y a des infosensibilisations qui sont faites dans les départements. Il ne faut pas hésiter à faire le numéro vert. C'est un numéro qui existe et qui doit être à la portée de toutes les personnes qui peuvent témoigner, peuvent repérer, peuvent alerter, peuvent observer et doivent en tout cas s'exprimer sur ce qui leur paraît préoccupant. Alors je rappelle le numéro vert, hein, 0800 005 696. C'est un service d'appel gratuit. Vous m'enregistrez quand même. Alain Berthaud, professeur d'anthropologie à Paris 8, spécialiste des banlieues. J'aime pas du tout ce mot, alors c'est un problème parce que... Le mot radicalisation. Parce qu'il s'impose à nous pour des tas de raisons médiatiques, politiques, on est bien obligé de l'utiliser pour se faire comprendre. Mais d'abord, il est très général. Il avait un sens qui était plutôt positif, hein, le terme de radicalité pendant une partie du XXe siècle dans certains courants politiques, c'était pas une honte. Et d'un seul coup, ça devient quelque chose qui peut tomber comme ça sur un individu et l'amener au pire crime, comme si c'était une maladie individuelle. Il y a bien sûr des terrains individuels propices, mais il faut surtout s'interroger sur la situation. Quand il ne s'agit pas d'une personne isolée, mais de centaines de jeunes qui partent en Syrie, par exemple. Donc là, il y a un phénomène global qui va toucher en plus des gens extrêmement différents, avec des motivations et des déclics très différents. Et la vraie question, c'est de savoir pourquoi ça les rassemble. Qu'est-ce qui les attire, comme la lumière attire les insectes, vous savez, ils viennent se brûler. C'est une question à laquelle nous n'avons toujours pas vraiment de réponse qui fasse consensus. Il n'y a pas de réponse là-dessus, il n'y a pas la réponse toute faite. Et c'est en ça que c'est difficile. On ne peut pas avoir un truc, voilà, c'est ça, mon petit monsieur, voilà, si vous avez ça en face de vous, vous êtes sûr que c'est de la radicalisation? Bien sûr que non. Anne-Marie Fauvet. Bien sûr que non. La preuve, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont partis, personne n'a vu qu'ils allaient partir. Donc ça prouve que c'est bien plus compliqué. Donc évidemment, quand vous identifiez un critère, surtout si c'est une question de barbe ou si c'est une question de vestimentaire, c'est pas du tout pertinent. Alors par contre, si vous êtes vraiment en lien avec la personne, vous le sentez dans sa manière de discuter, il y a une façon d'être qui tout doucement va bouger. Et c'est là où c'est intuitif, mais c'est intuitif parce que c'est basé sur une expérience professionnelle. Et c'est là où on arrive vraiment à se dire, oulala, là il y a quelque chose qui va pas bien. Vous voyez ? Alors c'est pas une question de pantalon, de cheveux ou ce que vous voulez, c'est une question de comment il me répond, il est plus en lien avec moi, il se méfie, vous voyez ? Des toutes petites choses comme ça, c'est vraiment comme un souffle. Mais ça, il faut être attentif. En fait, les gens attendent des réponses. Et on voit bien qu'on peut pas donner la réponse. Moi, je fais attention de pas ramener du stigmate sur ces gamins qui en ont déjà bien suffisamment. Je me suis entretenu avec la personne en charge de la protection de l'enfance sur tout le territoire national. Et elle me dit, partout dans les quartiers difficiles, la radicalisation augmente. Simplement, on peut pas le dire, parce que si on le dit, ça fait le jeu du Rassemblement national, ça fait le jeu des salafistes, et ça stigmatise les populations dont on s'occupe au quotidien sur le terrain, dans les quartiers. On peut pas le dire. Bien sûr qu'on peut le dire, parce que c'est vrai. Mais à un moment, il faut aussi dire que oui, il y a des quartiers qui souffrent de stigmatisation. Quand quelqu'un amène un CV en disant qu'il habite à la Grande Borne, il a quand même beaucoup moins de chances d'être pris que quelqu'un qui habite dans le 15e arrondissement de Paris. Voilà, c'est une réalité. En même temps, vous voyez bien, ça fait 40 ans qu'on met de l'argent dans les quartiers. Est-ce que la situation en 2020, elle s'est améliorée dans les quartiers par rapport à la situation en 1980 ou en 1985? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Alors bonjour, je m'appelle Romain Seize, je suis chercheur à l'INEJI, l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Je suis sociologue spécialisé sur l'islam contemporain et plus particulièrement sur les phénomènes de violence qu'on a vu apparaître avec ce qu'on appelle la radicalisation, le djihadisme, etc. Et sur les politiques qui leur sont dédiées partout en Europe. Le terme de déradicalisation, si vous voulez, il renvoie non seulement à l'abandon de la violence, mais aussi à l'abandon des idéologies qui, derrière, peuvent mener à cette violence, la légitimer, la justifier, etc. C'est un terme qui a mauvaise presse à l'étranger, une mauvaise presse actée par nos gouvernements successifs qui préfèrent parler de désengagement. La nuance, c'est quoi? C'est qu'elles vont mettre l'accent sur la sortie de la violence, non pas sur le renoncement des idéologies susceptibles d'alimenter cette violence. Donc interdire ces idéologies, hein, ça suppose déjà de penser clairement le lien entre salafisme et radicalité violente, sachant qu'il s'agit de liens qui font l'objet d'âpres débats en sociologie et qui pourtant demeurent à ce jour encore assez peu étudiés via des enquêtes de terrain. Alors 5 ans après, où est-ce qu'on en est aujourd'hui quand, à la suite de ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, on entend des communicants nous raconter qu'on met en place des listes de signes de radicalisation? Ça a du sens ou c'est complètement stupide? Non, c'est pas complètement stupide au sens où ça répond à des inquiétudes qui sont réelles. Mais est-ce que ça a du sens si par là vous entendez est-ce que c'est efficace? Non, ça l'est pas. On peut pas prédire si une personne va ou pas devenir violente en s'arrêtant à quelques signes. Alors si tel ou tel jeune fait son allégeance à l'État islamique, là on peut se dire que le passage à l'acte est imminent et qu'il faut agir très vite. Mais si tel ou tel jeune porte une barbe ou tout autre signe qui va le relier à l'islam, et qu'on interprète ça comme un signe de radicalité, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on fait fausse route, d'une part, et puis parce qu'on contribue à la stigmatisation des musulmans, d'autre part. Donc non, pour le moment, c'est liste. Mais vous savez, ça a été la polémique avait émergé, je crois que c'était en fin 2014, si je dis pas de bêtises, au sujet de la liste diffusée par le rectorat de Poitiers. On retrouve exactement les mêmes errements 5 ans plus tard. Alors, il existe des grilles qui sont en ce moment un peu plus complexes, testées par la direction de l'administration pénitentiaire. J'imagine aisément que les services de renseignement ont aussi les leurs. C'est des listes, bien sûr, que je vois pas passer, mais j'ose espérer qu'elles sont un peu plus complexes et efficaces. Thank you. Stéphane Bredin, je suis directeur de l'administration pénitentiaire depuis le 2 août 2017. François Doutin, je suis le chef de la mission de lutte contre la radicalisation violente depuis mars 2018. L'administration pénitentiaire s'est toujours intéressée au phénomène de radicalisation, a toujours géré des problématiques de terrorisme, notamment les terroristes corses et puis basques. Depuis les années 2010, montée au sein des prisons une forte inquiétude concernant une montée en puissance d'un prosélytisme islamiste qui devenait de plus en plus compliqué à gérer au sein des détentions. Effectivement, l'administration pénitentiaire... Elle a l'habitude de gérer la question du terrorisme en détention depuis des décennies, ce qui a pu lui donner l'impression qu'elle savait gérer. Et en réalité, ce qui est apparu quand même assez vite, c'est plusieurs singularités du terrorisme islamiste qui imposait à l'administration pénitentiaire à la DAP de construire des réponses nouvelles. Un, le risque prosélyte, c'est-à-dire qu'un détenu terroriste en détention, il continue à agir, à œuvrer. C'est pour ça que c'est imposé à un moment, on n'en parle plus autant aujourd'hui, une forme de discours politique sur la prison école de la radicalisation, qui était en partie vrai, parce qu'on n'a pas tout de suite pris la mesure de ces risques, en tant notamment qu'ils étaient nouveaux. Et puis le risque sécuritaire, là pour le coup, c'est qu'un terroriste islamiste en détention, pour certains de ses profils les plus à risque, les hauts de spectre, comme on les appelle volontiers dans la communauté du renseignement notamment, il présente un risque sécuritaire grave, direct, pour nos agents. Alors, ça nous impose des mesures sécuritaires auxquelles on n'était objectivement pas préparé. Dernier élément, je pense, qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'à partir de la fin des années 2000, le sujet devient en outre quantitatif. C'est-à-dire qu'il y a des vagues de terrorisme islamiste, le milieu des années 80, le milieu des années 90, mais ça reste limité. Et donc on peut les gérer de manière classique, c'est-à-dire c'est des types qu'on place à l'isolement dans des maisons centrales sécuritaires. Je caricature, mais c'est assez facile. Aujourd'hui, on a 510 détenus prévenus ou condamnés pour des faits de terrorisme et on a près de 900 détenus prévenus ou condamnés pour des faits de droit commun, mais qui sont suivis au titre de la radicalisation. Et il n'y a aucun pays occidental qui gère 1500 détenus radicalisés en détention. D'autant que je rappelle quand même que pour les terroristes, comme il n'y a qu'un seul parquet antiterroriste et qu'il est à Paris, tous les prévenus sont en Île-de-France. Donc, si la seule réponse en termes de gestion de la détention, c'est le placement à l'isolement, vous saturez très vite tous les quartiers d'isolement de la dizaine d'établissements franciliens. Donc, c'est de toute façon plus gérable. Et donc, la question dispersion, regroupement, il a fallu qu'on la dépasse très vite. Et c'est devenu la question prise en charge, pas prise en charge, gestion sécuritaire, purement sécuritaire, ou prise en charge, accompagnement. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire la prise en charge de ces profils-là ? Je dirais qu'on est passé d'une réponse qui s'est enrichie d'une réflexion sur comment faire du temps de la peine un temps utile pour ce type de détenus et de profils. Parce que tous les détenus ne sont pas des hauts de spectre et donc la réponse sécuritaire ne suffit pas. Il faut tout tenter, c'est la responsabilité, elle est lourde, du service public pénitentiaire, il faut tout tenter pour que la peine soit utile. Ismaël Righi, chef de la mission interrégionale de la lutte contre la radicalisation à Paris. Vous avez parmi nos personnes détenues qui sont incarcérées et également suivies en milieu ouvert, des personnes qui sont parties sur zone, qui ont probablement combattu, et des personnes qui ne sont jamais parties et qui ont contribué à la prolifération de cette idéologie sur le territoire national, qui ont préparé ou pas un attentat, ou bien des aides logistiques, matérielles. Et vous avez au sein de ces personnes une pluralité de profils, des cadres, des personnes employées, vous avez des fonctionnaires. Tout ça contribue à nous, administration pénitentiaire, à nous adapter et à apporter la meilleure réponse possible à chaque personne. Alors par exemple, une mère de famille qui envoie un colis à son fils qui est parti faire le djihad en Syrie, elle peut être condamnée pour aide à une entreprise terroriste ? Bien sûr, et c'est le sens de l'évolution pénale qui a été faite depuis plusieurs années. Et les personnes qui commettent ce type d'actes, mais qui pour autant n'ont jamais été sur le territoire, se rendent coupables de cette infraction. Donc ces personnes-là, effectivement, elles sont condamnées, à charge ensuite pour nous de les prendre en charge. Vous n'utilisez plus du coup le terme de déradicalisation, puisque ça ne veut pas dire grand-chose, on parle plutôt aujourd'hui de désengagement. Et effectivement, ce terme-là, nous ne l'utilisons plus parce qu'on ne croit pas à nouveau aux solutions miracles. On a une approche très pragmatique et très réaliste de ce phénomène. Nous croyons en revanche au désengagement de l'idéologie violente. Ça veut dire que nous n'intervenons ici pas sur le religieux, parce que une personne a le droit de croire en ce qu'elle veut. Simplement, le défi de l'administration pénitentiaire, c'est de dire à ces personnes-là qu'elles se trompent, et notamment dans cette idéologie violente, parce qu'elle n'est absolument pas adéquate et en accord avec nos valeurs républicaines. Comment on fait pour préparer, alors, parce que vous préparez ces gens à sortir, justement, après tout ce travail de désengagement, comment on prépare la société à accueillir quelqu'un qui a connu ce parcours-là, mais qui, aujourd'hui, est prêt à revenir dans la communauté citoyenne? C'est le travail de l'administration pénitentiaire et plus précisément des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Vous savez que ces personnes-là, lorsqu'elles quittent la prison, très souvent elles ont une mesure en milieu ouvert. Et là, c'est tout le travail des SPIP et c'est la culture des SPIP que de travailler avec la société civile. Nous avons des dispositifs au sein des SPIP et également un autre plus connu sous le nom de centre de jour qui accueille ces personnes terroristes islamistes en milieu ouvert. Et là, nous travaillons en lien avec la société civile en permanence, concernant le logement, concernant l'emploi. Et à ce titre, nous avons des résultats assez encourageants. Et pourtant, nous démarrions de très très loin avec des personnes terroristes islamistes qui retrouvent de l'emploi, qui se resocialisent, qui renouent avec la famille et qui obtiennent une certaine stabilité sociale. Donc ça, c'est très encourageant. Jules Boyadjian, président de l'association Artemis Groupe SOS et délégué général du programme PER. PER, c'est un programme du groupe SOS. C'est des personnes qui sont placées sous main de justice, donc elles sont sous mesure judiciaire. Et à cette dimension-là qu'elles sont placées sous main de justice peut s'ajouter une obligation. Et généralement, elle est ajoutée. Sous obligation ne signifie pas qu'on ne travaille pas l'adhésion de la personne. Et l'adhésion de la personne, on peut la travailler dès le stade de la prison. C'est-à-dire que on va travailler avec la personne, on va rencontrer la personne alors qu'elle est dans l'univers carcéral pour lui présenter notre dispositif, pour qu'elle ait une prédisposition par rapport au dispositif. Et puis si elle l'a pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour notre dispositif. Lorsque la personne, elle rejoint notre dispositif, elle signe un document individuel de prise en charge qui crée des obligations conjointes. C'est-à-dire que nous assumons d'avoir aussi des obligations par rapport à la personne. Donc ça, c'est les questions de principe. Après, on les rencontre plusieurs jours par semaine lors de la sortie de prison. Et c'est plusieurs rencontres par semaine par une équipe pluridisciplinaire qui peut se faire en individuel ou en binôme. Eh bien, petit à petit, en fonction de l'évolution de la personne, vont se réduire pour consolider les acquis. Et on a constaté, on a eu des usagers avec lesquels on avait un niveau d'accompagnement très élevé. On a petit à petit réduit jusqu'à arriver jusqu'au niveau le plus réduit qui était 3 heures par semaine, jusqu'à proposer au juge la fin de l'accompagnement par pair parce que nous avions consolidé tout ce que nous avions à consolider. Alors en un an, vous avez réussi à consolider combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui sont réinsérées? Alors quelques-unes, et c'est normal puisque le temps de l'accompagnement doit être d'au moins un an. Alors, est-ce que tout le monde a une chaise pour vous installer? Alors. En tout cas, l'échec de l'expérience menée au centre de Pontourny, premier et dernier centre de déradicalisation, fermé en 2017, un an après son ouverture, rappelait la difficulté des pouvoirs publics à définir une méthode claire et éprouvée pour contrer le phénomène de radicalisation. Désormais, on préfère les approches globales, fini les magiciens sans magie. Ta recherche d'emploi, parce que je sais que même avec le voile, au départ, il y avait quelques appréhensions. On se disait, est-ce que tu vas réussir à trouver du travail? Finalement, tu en as trouvé assez facilement, puis tu es même très bien intégré dans ton travail. J'avais pas que le voile comme plus gros problème, en fin de compte, c'est que j'ai été reconnue en association malfaiteur terroriste. Vous imaginez bien. Je vais voir un employeur, je vais dire je suis une terro, vous me prenez. C'est pas possible. Du coup, j'ai postulé partout, mais dans tout et n'importe quoi, mais vraiment partout. En fin de compte, j'ai trouvé dans une intérim via ma voisine qui m'a aidée. Je me suis présentée. J'ai travaillé avec mon voisin. C'est une société d'archivage, une société américaine. Ça se passe très, très bien. Mais est arrivé le moment fatidique où j'ai dû les prévenir. Et ils m'ont gardé. Ça se passe bien. Enfin, j'y suis. Ça fait pratiquement un an. En fait, je l'ai fait exprès. J'ai attendu qu'ils me connaissent, moi, la personne. Mais si je viens, moi, dès le début, je leur dis, je suis accusée de terreau. C'est vous condamné. Voilà, ça me condamne directement. Alors que s'ils apprennent à me connaître, à voir comment je suis d'abord, bah voilà, ça passe plus. Et comment vous vous sentez au sein du dispositif depuis maintenant? Ça fait un an qu'on vous connaît. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment t'as évolué justement sur ton rapport à l'islam? En fait, aujourd'hui, on se sent mieux dans notre religion parce qu'on a de la chance d'avoir un imam qui nous dit « Non, en fait, c'est pas comme ça, c'est pas ce que t'as cru. Toi, t'as cru que tu devais souffrir pour dire que ta religion, c'est ça, c'est la religion. » Et en fait, on se rendait compte qu'on était totalement dans le faux et que, justement, c'est pas notre religion qui a voulu ça de nous. C'est nous, nous-mêmes, qu'on se l'est infligé et qu'on a mal compris les choses de notre religion. Bah, je voulais dire qu'il faut pas aussi oublier qu'on regrette. Et on est aussi traumatisé, parce qu'on va dire qu'on était dans un monde, on n'était pas dans la réalité. Et c'est compliqué pour nous à comprendre comment on a pu arriver à là. Et je pense qu'on n'en parle pas assez de ce que nous, enfin, on traverse. Moi aussi, ce que je voudrais rendre hommage à certains d'entre vous aussi, que l'effort qu'elles ont fait n'a pas été payé judiciairement parlant. Il y en a qui ont fait tout ce qu'on leur a demandé. Et voilà, malheureusement, il y en a qui retournent en prison. Il y en a qui essaient. Je dis ça avec tristesse parce que si toutefois vous vous remettez en question, ne faites pas ça pour nous, faites ça pour vous. Même si on n'a pas constaté votre changement, on n'a pas constaté votre effort et vous payez le prix cher de quelque chose qui a été fait dans un moment de détresse, de manque et de perdition, on va dire. Faites en sorte que cette remise en question soit faite pour vous, avant tout. Et moi, je vous conseille de ne pas raser les murs parce que un jour, vous avez été judiciarisé, vous acceptez des choses, des concessions. Soyez vous-même. Tant que vous vous voyez dans la glace, vous voyez pas quelqu'un qui veut du mal aux autres, l'essentiel d'abord, c'est vous. Vous n'êtes pas terreau, vous n'êtes plus terreau. Vous avez changé, vous vous êtes remis en question, vous n'êtes redevable à personne. Surtout si vous payez votre dette en matière de justice. Voilà. Bon, on va essayer de passer à un sujet un peu plus drôle. On va pas se parler des cancers à l'heure. On va parler des Zemmour. Ouais, un sujet léger. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de faire partie de ce projet Père. Ah, j'ai pas choisi en fait. C'est le juge d'instruction qui choisit qu'on doit faire partie de ce dispositif. C'est pas nous qu'on choisit. Après au tribunal, j'ai demandé à continuer le projet. C'est la seule chose que je fais vraiment pour moi, parce que je travaille beaucoup, j'ai mes enfants. Et ici, c'est des moments pour moi où je peux m'exprimer, où je peux parler, où je peux dire ce que je ressens, les difficultés. En fait, ici, c'est les seules personnes qui me comprennent, en fait. C'est possible de me raconter globalement ce qui vous est arrivé ou pas? Alors, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était sur zone. Sur zone, c'est-à-dire en Syrie ou en Irak? En Syrie, voilà, en Syrie. Je l'ai rencontré, en fait, je passais par une phase très difficile avec mon mari qui était très, très violent avec moi. J'étais parfois attachée et fouettée chez moi à la maison. Et tournant dans les réseaux sociaux, j'ai rencontré un garçon. Bah, je suis tombée amoureuse de lui, j'ai beaucoup d'affection pour lui et je lui ai envoyé un mandat de 700 euros. Voilà, c'est là où je suis judiciarisée par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que la police a débarqué chez vous et vous a accusé de soutenir une organisation terroriste? Oui, voilà, tout à fait, de financer. En fait, ils sont venus chez moi, ils ont fait une perquisition, mes enfants ont été placés dans une famille d'accueil. Je fais 4 jours de garde à vue. C'est très difficile, en même temps, on mérite, hein. C'est pas quelque chose qu'on mérite pas, mais la garde à vue, c'est quelque chose de très difficile, c'est des questions, en fait, c'est des choses qui remontaient en plus à longtemps, et des fois, on a du mal à se souvenir d'exactement tous les détails, on est en stress, d'où provenait cet argent, d'où provenait ça, on se rappelle plus exactement, donc comme on se rappelle plus, on retourne en garde à vue, et puis c'est vrai que les policières, elles nous font aucun cadeau, elles sont très dures avec nous, c'est difficile, la garde à vue, c'est quelque chose que pendant 4 jours, ben, on se lave pas, On demande des nouvelles de nos enfants, on n'a pas le droit d'en avoir, on n'a le droit à rien à part nos barquettes et de l'eau, quoi. Et alors vous voyez un juge et vous êtes condamné? Oui, je vois un juge d'instruction. Non, je ne suis pas condamnée tout de suite. Hein. Je suis passée presque un an après les faits. Mais en tout cas, je suis mise en examen. Et avec cette obligation de suivi PERS et suivi par un SPIP une fois par mois aussi. Après, ce n'est pas des obligations pour moi. Ce n'est pas des choses qui sont difficiles. Au contraire, c'est que de l'aide. À aucun moment, j'ai senti ça comme quelque chose de dur, quelque chose qui était difficile à vivre. C'est au contraire, pour moi, c'était vraiment bénéfique dans tout. Alors, pour qu'on comprenne bien, judiciariser, ça ne veut pas dire forcément que vous allez en prison. Non, ça ne veut pas dire que je vais en prison. Après, moi, je suis passée au tribunal. Ben, après aussi, j'ai été très bien préparée par mon avocate, me dire de bien prendre la place. Quand on parle, il faut parler de tout. Quand on pose une question, il faut aller loin pour que les gens se rappellent de nous, parce qu'on était plusieurs en même temps à être jugés. Et malheureusement, des personnes en fait qui avaient du mal à parler, ben, ils ont reçu des peines plus lourdes. Ce n'est pas forcément qu'elles étaient plus graves, ce qu'elles avaient fait. Raconter pourquoi on en arrivait là, c'est pas facile pour tout le monde. Souvent, devant beaucoup de public, il y a personne qui n'arrive pas. Et du coup, ben, elles prennent des peines beaucoup plus lourdes. Vous expliquez aujourd'hui pourquoi vous êtes allé chercher sur ce type de réseaux sociaux ? Ben non, en fait, c'est pas ce type, c'est que je suis tombée sur lui et que j'ai commencé à parler avec lui. Et c'est après, en fait, je me suis attachée avec lui. Malheureusement, il suffisait tellement juste un « tu vas bien le matin » pour que je m'attache à une personne, parce que j'avais pas ça. En fait, c'était tellement peu, mais ce peu me suffisait à survivre, en fait, à vivre et à continuer à me lever le matin. Ce qu'on oublie aussi, c'est que derrière ce terroriste, ben, malheureusement, il y a aussi une personne, un humain. Et ben, ce côté humain, moi, il me l'a donné. C'est vrai que quand vous rentrez et puis ben voilà, vous faites attacher et fouetter, heureusement que lui était là pour parler avec moi et avoir des messages, avoir quelqu'un qui s'intéresse à moi, me dire que j'étais belle, c'était un truc, oh là là, on me l'avait jamais dit, j'étais trop contente en fait. Et il avait remarqué par exemple la manière dont je parle, que l'éthique que j'avais quand je parlais, les mots que je disais, que moi, mon mari, il savait même pas. Voilà, il avait remarqué un truc tout bête, que j'ai une dent en moins. Lui, il avait remarqué, mon mari qui est avec moi depuis 10 ans, il ne savait même pas. C'est comme ça que l'amour est né. À force de parler avec quelqu'un, on s'attache. Et j'ai une relation virtuelle pendant 18 mois avec lui. Et vous lui racontiez les violences que vous subissiez ? Non, il ne savait pas que j'étais mariée. Ouais, il ne savait pas que j'étais mariée. Donc après, quand il me voyait avec des bleus, des fois, ben, il me posait des questions comment. Moi, je parlais d'une agression. Mais non, je ne racontais pas. Je ne pouvais pas lui raconter. J'étais fatiguée aussi de lui mentir parce que je ne lui avais pas dit ma vie. J'avais envie d'arrêter, en fait. Mais l'amour que j'avais pour lui était plus fort que ça, en fait. Vous en êtes où, alors, vis-à-vis de la justice, maintenant, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Je vais avoir un bracelet au mois de janvier pendant 18 mois. Puis je dois pointer tous les 4 mois au commissariat. Et j'ai du sursis aussi pendant 4 ans. Voilà. Alors ça impose quoi le bracelet électronique ? Bah, je ne sais pas, je l'aurai en janvier. Ça impose des horaires de sortie. Donc on voit un juge des applications de peine qui va nous donner nos heures de sortie, nos heures qu'on doit être à la maison. Et bah, ça impose quelque chose. C'est une condamnation quand même parce que moi j'ai des enfants. Sortir après avec mes enfants, c'est difficile en fait de se dire que voilà, quand ils voudront aller au parc, j'aurai mes heures de sortie. Quand je voudrais les ramener en vacances, ben non, c'est pas possible. En fait, mes enfants, ils sont condamnés aussi à cause de moi. Et c'est beaucoup le regret aussi. Dans ça, il y a beaucoup de regret parce que mes enfants étaient placés à un moment donné. Et tout ça à cause de moi. Et c'est une souffrance qu'on pourra jamais enlever, en fait. Des fois, le soir, quand je les regarde, je fais « à cause de moi, vous avez vécu tout ça ». Vous en parlez aujourd'hui avec eux ? Non, non, on n'en parle pas. Ils sont petits, 9, 6 et 4 ans. C'est pas un âge où on parle. Après, je sais qu'un jour, leur père va leur en parler. Donc, je serai obligée de leur en parler. De dire que moi, quand j'ai envoyé cet argent, leur expliquer que j'ai pas voulu faire du mal. J'ai voulu sauver quelqu'un. J'ai voulu, paradoxalement, en même temps, qu'il meure et qu'il meure pas. Parce que j'avais besoin de lui. Et en même temps, je voulais qu'il soit plus là. Mais en fait, c'est un truc qu'un jour, je vais devoir leur expliquer, oui. Mais vous ne vivez plus avec votre mari violent ? Non, non, non, non, non. Il est parti. Heureusement, il est parti. Il a l'intention de s'approcher de moi. Et voilà, la justice m'a beaucoup aidée. Parce que moi, si le juge d'instruction ne m'aurait pas dit que je peux porter plainte, je ne l'aurais jamais fait. J'aurais continué à vivre comme ça. Merci à Amine Boutagan, Alain Berthaud, Azdine Amimour, Anne-Marie Fauvet et ses acteurs de terrain, Romain Cèze, Stéphane Bredin, François Toutain, Ismaël Rigui,